Entrez. Bonjour, monsieur Foulard. Je cherche monsieur le duc, le remplaçant de madame Dupuis. Il est là ? Ah non, il n'est pas là. En ce moment, il est à la bibliothèque. D'accord, merci. Dites, je ne connais pas encore. Vous pouvez me dire comment il est ? Eh bien, c'est un homme jeune, dynamique. Physiquement, il est châtain, avec une barbe, et il a un anneau à l'oreille gauche. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir, Paul. Et n'oublie pas que cet après-midi, on a cours de 3 à 5.